L'agence télégraphique centrale de Corée a publié le commentaire titré « Origine du pouvoir corrompu » qui dit notamment « L'internet chilien a récemment présenté en image animée le viol commis contre une fille mineure par un diplomate sud-coréen en mission dans son pays. » Alors que l'on parle de la présentation des excuses et de la punition du coupable, on vient de révéler qu'au début d'août dernier, au Moyen-Orient, l'ambassadeur sud-coréen a été condamné pour avoir harcelé sexuellement une femme de son personnel. L'apparition successive des injustices et corruptions de toutes sortes est inouïe au sein des gouvernants et des viols sexuels honteux parmi les diplomates, tout comme pour montrer l'existence habituelle des scandales sexuels au sein de la société, prouve la nature du pouvoir de Bakounet complètement corrompu. Dès le début de 20 ans déjà, Bakounet s'était lié à Choi Tae-min, qui était plus âgé de 40 ans, pour se faire surnommer érotomane. Au sein du gouvernement conduit par une telle femme, les scandales de viols sexuels enregistrés ne sont qu'une partie infime. La Maison Bleue, habitée par la maniaque Bakounet, a transformé le pays en bordel gigantesque et ses fonctionnaires s'adonnent à qui mieux mieux à la débauche. La hausse de plus de 66% des crimes sexuels au sein de l'armée pendant le mandat de Bakounet est le corollaire de la conduite des officiers militaires libertins qui imitent la soi-disant présidente. Ce qui est le plus ridicule, c'est que cette femme débauchée qui bouleverse le monde avec les scandales et harcèlement sexuel entreprend des tournées à l'étranger pour ternir le prestige de notre République. Tout comme le dicton « près des objets corrompus s'amoncellent les ordures », vouloir avoir du lien avec les autorités complètement corrompues de cap aux pieds, c'est attendre honte et déshonneur.